Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Ragnar Lodbrok, Ragnar au Brévelu et son épouse Aslaug, fille de Sigurd et de Brunehild la Valkyrie, incarnent la nouvelle série télé d'une grande chaîne câblée, Viking. Fort de ses navires aussi rapides que puissants, les Drakkar, le roi légendaire Ragnar, assoiffé de découvertes, part à la conquête de nouveaux royaumes, nous apprend le site promotionnel de la série. Cette expansion scandinave, véritable vague migratoire, a laissé dans nos mémoires collectives la peur des razzias. Mais quelle fut toutefois la réalité de ce colonialisme viking en France? Si l'histoire des textes ou de la linguistique ont laissé des témoignages, qu'en est-il de l'archéologie? À l'occasion du colloque Archéologie des migrations, qui s'est tenu au Musée national de l'histoire de l'immigration, j'ai rencontré un archéologue médiéviste et normand, de l'INRAP, Vincent Carpentier. En tant que normand, un viking sommeillerait-il en vous? Ou tout simplement, vous revendiquez-vous viking? Absolument pas, Vincent Carpentier. Ceci dit, le métier d'archéologue, quelquefois, partir en expédition... Non, sérieusement, c'est l'arrière-plan, c'est plutôt une question sérieuse. C'est la question du régionalisme, c'est-à-dire est-ce qu'on s'identifie à une personnification historique telle que le viking, un homme assez violent, rusé, héroïque, certes, on l'a vu au cinéma, par exemple, dans des marques de bière, mais bon, qui reste un personnage complexe, qui n'a pas commis que des choses très recommandables et auquel, finalement, il est assez vain de vouloir s'identifier pour exister, tout simplement. Ça n'a pas de sens. Alors moi, le seul viking que je connaisse, c'est bien sûr Kirk Douglas, un viking borgne. Bon, c'est un film américain, on peut pas les taxer de régionalisme normand, mais ces images très très fortes qui ont été imprimées, c'est valable pour d'autres grands événements historiques, je pense au jour le plus long par exemple, donc ça a vraiment formé des générations entières d'enfants et de jeunes élèves, et puis qui sont devenus des adultes et qui ont conservé ces poncifs, mais il faut toujours garder en tête que ces images ne sont pas tout à fait dénuées de contenu idéologique et posent quand même le problème de la supériorité des races, de la comparaison entre races, avec des guillemets, hein, j'emploie le terme à dessein, ce sont quand même des approches qui aujourd'hui sont traquées et si possible effacées du discours historique un peu sérieux. Donc Vincent Carpentier, c'est quoi un viking? Un scandinave? Alors c'est d'abord un scandinave, tout au moins au début, et c'est un aventurier. On nous le présente souvent comme un commerçant, quelqu'un qui n'est pas si méchant que ça, ce qui dans un certain nombre de cas est peut-être la réalité, mais l'histoire nous montre bien que c'est avant tout un homme qui est prêt à tout, qui est capable d'exercer la violence, le chantage aussi bien que la ruse et l'intelligence. Et je vous disais au départ, un Scandinave, oui, mais étant donné que c'est un voyageur, petit à petit, il s'acculture, il s'installe dans des contrées lointaines et finalement, c'est une forme de métissage avant la lettre qui se déploie au long de cet âge viking. Son territoire est où exactement? Parce que dans cette région scandinave, il y en a plein d'autres, les Frisons, etc. Alors la Scandinavie, est bien sûr le berceau du phénomène viking, ce sont surtout les bandes côtières qui sont habitées au 7e, 8e siècle de notre ère, par des peuples qui sont encore loin d'être unifiés sous une seule bannière dans des territoires avec des frontières fixes. Ce sont des populations d'agriculteurs, bien sûr, comme la quasi-totalité du reste du monde, et ils vont s'affronter sur les mers, parce qu'il leur faut partir chercher ce dont ils ont besoin à l'extérieur, et ils vont s'affronter sur les mers à leurs rivaux, et qui sont des rivaux économiques, commerciaux, politiques, et en particulier ces Frisons qui sont les maîtres du commerce entre la Manche et la mer du Nord, autour de leur grand port de Dorstadt, situé aux Bouches du Rhin. Qu'est-ce que la migration viking? C'est en tout et pour tout quelques milliers d'hommes? Le phénomène de départ, effectivement, concerne des équipages relativement restreints, quelques centaines au maximum, parce que ce sont des bandes vikings qui partent à l'aventure et puis, en fonction des opportunités qu'ils rencontrent, ils agissent et ils repartent. Mais peu à peu, et surtout vers la fin, le dernier tiers du 9e siècle, début du 10e siècle, on va avoir affaire à des armées, tout simplement, organisées, fédérées sous l'égide d'un ou plusieurs chefs de grande importance, et qui vont, eux, avoir des projets davantage d'implantation, des projets politiques. Donc là, on a affaire, lors de cette phase, au tournant des années 900, en gros, hein, pour faire simple, à des armées réunissant plusieurs milliers d'individus. Maintenant, ce ne sont pas forcément ces spécialistes de la guerre qui s'installent durablement. Ce sont surtout, par la suite, une fois que les principautés, on peut dire, ont été créées, des populations de paysans, d'artisans, de commerçants qui viennent des pays nordiques et qui viennent faire souche à l'étranger. Et la quantification en est quand même particulièrement difficile, tant pour les historiens que pour les archéologues, parce que d'abord, il faut les identifier. Et ensuite, au niveau de l'archéologie funéraire, nous sommes confrontés à des lacunes de sources assez importantes. Néanmoins, l'exploitation des sources écrites, des étendues spatiales aussi qui sont couvertes par ces populations, nous conduisent à penser que plusieurs milliers d'individus se sont installés, par exemple, en Angleterre, dans le Danelaw. Ces migrations, ce sont des opérations saisonnières ? Alors au départ, ces raids, effectivement, à partir de la fin du 8e siècle jusque dans les années 870-880, ces raids sont des raids plutôt saisonniers. Et puis un fait déterminant va intervenir un peu en amont à partir des années 840-50, c'est ce qu'on va appeler les Danegeld. C'est-à-dire que les États menacés par les Vikings, comme l'Empire franc, vont mettre en place une stratégie, on pourrait dire, d'indemnisation. C'est-à-dire qu'en échange d'un tribut en argent particulièrement lourd, les Vikings acceptaient de repartir sans causer de pillage, de rafles, etc. Et ce système va faire venir de plus en plus de, j'ai envie de dire, de prédateurs à l'encontre de ces états relativement confortables. Et donc, par la suite, cette stratégie va amener les Vikings à hiverner sur place. Et parfois, durant 4, 5, 6 ans. Donc, il y a un processus évolutif qui fait que, déjà en termes de tactique militaire et de tactique tout court pour obtenir ce qu'ils viennent chercher, ces bandes armées vont être incitées en fait par les populations qu'ils menacent à rester sur place plus longtemps. Ne devrait-on pas y voir plutôt qu'une migration des raids à l'image de la piraterie somalie ? C'est probablement à partir de ce type d'activité que se développe l'âge viking. Avant d'être un phénomène migratoire de grande ampleur, c'est d'abord un comportement de prédation qui s'exerce depuis... Alors, au niveau des chronologies, c'est un peu compliqué parce que nous sommes en Scandinavie à partir de autour de 500. Donc, c'est tout cet âge dit pré-viking ou âge de Wendel. On a déjà affaire à des équipages saisonniers qui pratiquent cette prédation côtière en même temps que ces échanges commerciaux avec leurs voisins à l'échelle de la Scandinavie. Et puis, à la fin du 8e siècle, on voit ce phénomène s'étendre. Il s'étendra très loin puisqu'il dépassera les frontières de l'Europe. Est-ce que l'on doit réellement parler de migration ? Une migration, on en vit une importante aujourd'hui. C'est un aller sans retour. Les Vikings reviennent sur place. Tout à fait. Alors c'est le caractère ambigu de ce concept migratoire vu d'une manière très générale en histoire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord définir de quoi il s'agit. S'agit-il d'une implantation ? Si oui, est-elle durable ? S'agit-il effectivement au contraire de situations de transit ou d'aller-retour ? Dans le cas des migrations scandinaves, tous les scénarios ont été mis en œuvre, y compris des scénarios qu'on pourrait qualifier avec prudence, mais de colonisation, c'est-à-dire d'installation volontaire de populations transplantés pour s'installer pour toujours, dirait-on, à l'étranger. Ça a été le cas dans le Danelaw. Bon, les rois anglo-saxons ont repris le pouvoir peu après l'an 1000, au tout début du 11e siècle. Donc les populations ont été chassées à nouveau. Hein, mais dans un certain nombre de cas, comme l'Islande, des populations d'origine scandinave ont bel et bien fait souche et ne sont a priori pas rentrées chez elles. Qu'est-ce qui motive ces raids, ces migrations ? L'appât du gain ? Alors le premier facteur, c'est l'appât du gain, c'est la recherche de richesses, et en particulier d'argent, qui est le métal précieux que les Scandinaves placent en tête de leur système de valeurs économiques. Puis viennent toute une série de denrées, de marchandises, de prix, puisque tout leur commerce est axé sur un système de revente. Donc plus une marchandise va se revendre cher, plus le rapport va motiver la distance. Hein, c'est le principe du commerce maritime jusqu'à une époque récente. Il y a aussi une dimension qu'il faut absolument bien intégré par rapport aux motivations derrière ces raids, c'est l'esclavage. L'esclavage est considéré comme une activité commerciale. On y exerce forcément la violence, mais ça pose pas un problème dans les mentalités de ces populations. Et il s'agit d'aller rafler du bétail humain à l'étranger pour le revendre. Et c'est un commerce qui rapporte énormément, qui est interdit du point de vue continental par l'Église progressivement dans le monde carolingien, qui en vient à être officiellement proscrit, mais qui fait florès jusqu'à la conversion du monde scandinave dans le cours du XIe siècle. Rouen en Normandie est encore une plaque tournante de l'esclavage au temps des premiers ducs de Normandie, c'est-à-dire durant la première moitié du XIe siècle. Et puis il y a un autre facteur important de motivation qui est la quête de prestige, d'honneur. Ce sont des valeurs qui sont très importantes dans le système des mentalités et de l'organisation sociale de l'âge du fer en Scandinavie. Et donc ces hommes qui partent à l'aventure vont chercher ce dont ils ont besoin pour retourner chez eux et se faire une place. Il y a aussi bien sûr l'argent, puisque l'argent compte beaucoup, et tout simplement aussi parce que les Vikings ne frappent pas monnaie. Alors les Vikings n'ont pas de monnaie officielle, n'ayant pas d'État réellement unifié avant le XIe siècle. D'ailleurs, le phénomène viking va créer un afflux de richesses très important et de prestige et de puissance vers la Scandinavie, qui va connaître l'émergence de royaumes avec de véritables frontières et d'unification des peuples. Mais l'argent joue évidemment un rôle fondamental dans cette évolution, parce que il permet bien sûr de mettre en œuvre des stratégies de grande ampleur et également de financer des armées plusieurs années durant pour des expéditions de grande envergure. Un de ces fameux trésors a été trouvé à Gotland avec quantité d'or et d'argent. On connaît une liste assez impressionnante de gros trésors dits vikings sur donc ces places commerciales, donc l'île de Gotland, je vous disais Birka et Debu, etc., et également en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques, d'ailleurs en Irlande, etc. C'est pas le cas sur le continent, où pour des raisons qui sont encore difficiles à expliquer, avons-nous bien cherché mais la question se pose. On ne connaît à l'heure actuelle qu'un seul trésor viking, qui est d'ailleurs constitué d'une petite douzaine de pièces, en intégrant quelques lingots, mais qui est très très restreint par rapport à ces énormes trésors, ces grosses thésaurisations qu'on connaît par ailleurs. À quoi on reconnaît un trésor viking ? Alors c'est assez complexe. Je ne suis pas numismate, mais je connais un peu la question. Donc le problème réside surtout dans l'identification d'un assemblage de monnaies diverses, qui vont venir du monde arabe, qui vont venir du monde anglo-saxon. Les Scandinaves eux-mêmes ne frappant pas monnaie, ces monnaies viennent de l'ensemble des pays qu'ils visitent, et puis qui à un moment donné est déposé, enfoui dans le sol ou conservé d'une manière ou d'une autre. Il y a également un certain nombre de métaux qui sont refondus pour être thésaurisés sous des formes assez particulières, des très gros bracelets, par exemple, des lingots. Les Vikings se servent de l'argent haché très longtemps, jusqu'au XIe siècle, pour servir de monnaie d'échange. Ils le pèsent sur des petites balances. Donc, ils conservent le métal sous cette forme. Et puis, enfin, il y a ces fameux pecs, ces petits coups de couteau, de pointe, qui sont faits par ces gens sur les pièces métalliques pour en vérifier le bon aloi, la qualité, tout simplement. Donc, ce sont des pratiques qui permettent aux numismates d'identifier des trésors dits Vikings. Vincent Carpentier, à défaut de migration, parlons plutôt d'expansion. L'expansion viking s'étendra jusqu'à l'Islande, le Labrador, le Groenland. Oui, alors c'est effectivement le côté vraiment spectaculaire de l'aventure maritime qui est liée au phénomène viking, c'est que certains de ces personnages, qui sont d'ailleurs des proscrits, donc on parlait de motivation, on retombe sur finalement une autre motivation, paraître un peu négative, mais le bannissement, les royaumes se formant, on a tendance à éloigner les seigneurs un peu turbulents, et donc on retrouve dans ces personnages des exilés qui vont chercher à s'installer ailleurs parce qu'ils veulent se forger à la force du poignet un territoire. Et donc c'est ce qui explique qu'Éric le Rouge a ainsi eu le culot, on peut dire, de se rendre jusqu'en Islande et d'y fonder un établissement. Des gens l'ont rejoint et ont fait souche, et puis par la suite, par grands bonds successifs, il faut imaginer que c'est quand même des prises de risque assez impressionnantes, même aujourd'hui encore, sont des mers assez, assez dangereuses, des contrées inhospitalières, on les trouve installés alors sous forme d'établissements qui restent quand même très restreints, dans des conditions de vie très difficiles, qui ne survivent qu'avec le commerce. On les voit s'installer au Groenland, donc ce sont surtout des Norvégiens, également du côté du Saint-Laurent, Labrador, Terre-Neuve, ce sont des dont le fameux site de Lance au Mido, l'île de Baffin aussi. Ce sont des sites qui ont eu quand même, enfin, leurs inventeurs ont eu beaucoup de mal à les faire accepter par la communauté scientifique. Mais bon, c'est aujourd'hui reconnu comme tel. Qu'est-ce qu'on recherche là-bas? Les défenses de Morse, par exemple? Alors voilà, pour ce qui est du Groenland, ça va être des marchandises qui sont d'un bon rapport pour justifier l'investissement que représente le voyage et puis la survie hein, dans ces contrées. Donc on va chercher de l'ivoire, des fourrures, soit chassées sur place, soit aussi qui transitent entre le Canada, pardon, l'île Baffin et puis l'Islande. Et puis à partir du moment où on atteint le Groenland, il faut bien intégrer ces données essentielles qu'on n'a plus de bois. Les Islandais ont vidé toute l'île de son bois, de ses réserves forestières en très très peu de temps, puis ils avaient amené avec eux des moutons, donc ça a été une petite catastrophe environnementale, on dirait aujourd'hui, et il a fallu aller de plus en plus loin chercher du bois, ce qui a en grande partie motivé aussi ses voyages vers l'ouest. On les retrouve aussi en Espagne, en mer Noire, c'est vraiment la calamité du 9e siècle. Effectivement, le viking est une calamité, d'où l'identification. On rechigne à s'identifier à un tel personnage, mais il est resté quand même dans l'histoire comme un facteur de découverte, un facteur de progrès, en fait, de découverte géographique, de brassage de population. Je pense que c'était avant tout des gens prêts à tout, très opportunistes, et qui donc ont marqué leur époque parce qu'ils ont un peu tout essayé. L'archéologie viking en Europe occidentale a longtemps été le privilège exclusif des historiens. Alors oui, c'est vrai que formulé comme ça, c'est un peu provocateur, mais cette archéologie, entre guillemets, un peu fantaisiste, qui nous a représenté des vikings avec de grands casques à cornes qui n'ont jamais existé, enfin tout cet apparat un peu fantasque qui flattait les oreilles de l'intelligentsia germaniste, a été... dans une très large mesure, créé de toutes pièces par des historiens qui ne maîtrisaient pas la discipline archéologique. Ceci dit, on remonte quand même dans le creuset des 18e, première moitié du 19e siècle, qui sont des époques où on se contente surtout d'accumuler les antiquités sans avoir nécessairement les clés de classification, les clés d'interprétation dont on dispose aujourd'hui. Et puis le 19e siècle a vu l'émergence d'une thèse, la thèse normandiste. Alors effectivement, ce courant est né d'une rencontre entre une aspiration folkloriste, on pourrait dire régionaliste, liée à cette fondation très particulière de la Normandie en 911 et qui a donné par la suite, au cours d'une bonne partie du Moyen-Âge, naissance à un empire anglo-normand, l'Empire Plantagenet, et puis la rencontre avec cette historiographie notamment allemande, en tout cas pan-germaniste au sens large, qui a connu ses heures de gloire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il reste aujourd'hui aux archéologues aussi à trouver leur place dans cette révision un peu générale des processus en faveur d'une approche aujourd'hui beaucoup plus interdisciplinaire et beaucoup plus axée sur l'anthropologie au sens large. Il y a toujours un courant normandiste, Vincent Carpentier en Normandie ? Il y a surtout un moteur, je pense, en arrière-plan de ce courant. On sent bien qu'au sein du grand public, il y a beaucoup de lacunes à combler concernant ce thème qui passionne quand même les gens, en particulier en France du Nord. Il y a tout un effort pédagogique à produire pour que les représentations les plus communes soient aujourd'hui ramenées, recentrées sur un fond de véracité fourni entre autres par l'archéologie. Les historiens des migrations scandinaves se heurtent à la rareté des traces objectives en France et sur le continent. Ils se seraient trompés ? Alors c'est un problème pour la question effectivement de l'implantation de groupes scandinaves dont on sait qu'ils se sont bien implantés sur le continent, en Bretagne, Normandie, dans le nord de la France, vers la Belgique, etc. Ils ont laissé très peu de traces. Ils ont laissé très peu de traces parce que tout cela s'est fait autour de l'an 900. Ce qui se passe, c'est qu'en 911, les Scandinaves qui s'installent, le chef Rollon, devient le vassal officiel du roi de France et donc reçoit le baptême, ce qui est un choix politique, et également fait souche avec ses hommes en tant que comte de Rouen, c'est-à-dire devient tout simplement lui-même un élément de l'Empire carolingien. Et ça explique probablement la rapidité de l'intégration et la grande discrétion des vestiges qui auraient une couleur ethnique scandinave. Certains sites attribués aux Vikings ne le seraient tout simplement pas ? Alors voilà, le problème, je pense aujourd'hui, consiste à bien différencier ce qui relève du viking proprement dit, c'est-à-dire cet aventurier qui ne s'est pas installé, hein, qui est venu en prédateur, et puis cette implantation dans un cadre territorial entre guillemets officiel. Je pense qu'il s'agit là de deux phénomènes emboîtés l'un dans l'autre parce qu'ils ont des causalités communes, des racines communes, mais qui ont, en termes de traduction, en termes de culture matérielle, qui ont des signatures tout à fait différentes sur lesquelles on commence tout juste à se pencher avec un peu de précision en archéologie. Dans le Cotentin, certains sites de l'âge du bronze auraient été interprétés comme des stations vikings ? On dispose aujourd'hui d'un corpus assez restreint d'objets découverts sur le continent, mais il se trouve que de surcroît, nous avons le malheur de réviser un certain nombre d'attributions qui étaient sans doute un peu hâtives et même des faux forgés de toutes pièces. Le Hagdik, ce grand rempart du Cotentin qu'on retrouve dans tous les inventaires, les atlas des vikings, etc., n'est pas un site viking. Il n'a rien à voir avec ni les vikings ni les scandinaves. C'est un rempart qui a été daté très clairement par des méthodes au radiocarbone, de l'âge du bronze, et qui a connu ensuite une intégration de très longue durée dans le parcellaire. Donc il existe encore aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec une fortification de l'âge viking. Et d'ailleurs, dès les années 50, les archéologues scandinaves qui sont venus se pencher avec Michel Deboire de l'Université de Caen sur l'histoire de ce monument ont rompu avec lui parce qu'ils en sont arrivés à ces conclusions. Voilà. Donc il nous a fallu un petit peu plus de temps. Toujours est-il, Vincent Carpentier, à Groix, par exemple, on a un véritable site viking. Tout à fait, et je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. On a découvert en 1906, dans le Morbihan, et non en Normandie, une sépulture à navire, tout ce qu'il y a de plus viking, de plus païen, qui a livré les restes d'une panoplie funéraire tout à fait conforme à celle qu'on connaît dans le monde scandinave. Donc il s'agit bien d'une tombe viking. Il y en a eu sûrement d'autres. Pour l'instant, nous ne connaissons véritablement que celle-ci. Mais cette rareté montre bien, justement, que l'interprétation qui en a été faite doit être prudente et doit surtout peut-être se tourner vers des questions d'acculturation, d'intégration, davantage que de transposition directe de ce qu'on trouve en Scandinavie. Alors, j'ai souvenir qu'à Groix, on avait trouvé des très belles broches en argent, des sortes de fibules. On avait le bateau aussi ? Alors, le bateau était pris dans une gangue de pierre. Donc, la gangue de pierre a été démolie. Bon, en 1906, c'était pas des fouilles archéologiques telles qu'on les pratiquerait aujourd'hui. Et puis surtout, la pierre, contrairement au sable, ne retient pas la forme fossilisée du bateau. Ce qu'on a retrouvé, c'est tous les rivets, les clous, etc., qui permettaient la fixation des bordées. Donc, on sait de façon certaine qu'il s'agissait d'une tombe à navire et le matériel très riche qui a été retrouvé par ailleurs. Il y a des fibules, des éléments de ceinture, des armes, un humbo de bouclier, il y a de l'ivoire, il y a beaucoup de pièces en fait. Hein. C'est un ensemble assez varié, correspond tout à fait à une sépulture de chef viking. Pourtant, Trouville, Mondeville sont des réminiscences vikings et on est en Normandie. Alors effectivement, ce sont deux très bons exemples de toponymes normands qui sont fondés sur un anthroponyme, un nom d'homme scandinave, Amund à Mondeville et Thorolf ou Tror à Trouville, bon avec le suffixe ville qui lui est latin, c'est-à-dire le domaine d'eux. Alors le domaine d'Amund, le domaine de Thor nous montre bien que des hommes se sont installés, ce sont des formations dont la genèse est attribuée au 9e, 10e siècle, donc ce qui nous renvoie effectivement au premier temps de la constitution de ce territoire. Certainement des hommes qui ont, alors est-ce qu'ils s'en sont emparés, qui ont reçu des terres, hein. D'ailleurs les chroniqueurs, les premiers historiens de la Normandie le racontent, hein. Ils parlent de cette distribution de terres, non pas spécifiquement à des Scandinaves, mais à des fidèles du comte, et donc parmi ces fidèles, on a affaire très certainement à un certain nombre de Scandinaves qui font souche. Et puis par la suite, ces noms, surtout dans les systèmes de transmission d'héritage aristocratique, ces noms connaissent une filiation qui va bien au-delà de l'ethnicité proprement dite. Donc on a des anthroponymes ? Alors nous avons affaire à des anthroponymes d'origine scandinave, mais francisés, voilà, qui se termine par le mot « ville », qui signifie « domaine » en latin. Si vous voulez là, ces constructions nous renseignent quand même, surtout leur densité. Hein, de ce point de vue-là, les linguistes ne se sont pas trompés. Le seul problème est la surinterprétation sous le paradigme d'une colonisation massive, qui, lui, en termes de nom, ne correspond pas à la réalité objective qu'on constate. Mais il y a bien, sur toute cette bande côtière de la Normandie, des zones comme le Cotentin, comme la vallée de la Seine, comme les petits estuaires de la baie de Seine, où des groupes scandinaves se sont bel et bien implantés. Contre cette plaie, cette calamité, Charles Le Chauve construit Fortin, voire pont fortifié. Un de ces ponts, justement, vient d'être fouillé ? Oui, près de Pont de l'Arche, donc à la confluence de la Seine et de l'Eure, à Alizé, pour être très précis, cette petite commune, on a fouillé une fortification qui se trouve gardée le pied d'un pont fortifié construit sous l'ordre de Charles Chauve dans les années 860-70. Alors on le connaît d'autant mieux que, cette fois je vais leur rendre honneur parce qu'elle le mérite, les historiens ont su exploiter les sources écrites qui nous racontent l'histoire un peu compliquée de ce chantier qui a duré très longtemps. On sait que les Vikings, le temps que justement cette fortification soit construite, ont séjourné sur place. Les fouilles n'ont révélé aucune trace de leur présence. Il s'agit d'un ouvrage carolingien qui a été, ceci dit, réutilisé pendant les guerres du XIIe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, donc qui a quand même vécu, été réaménagé, mais qui n'a à ce jour livré aucune trace de la présence viking, bien qu'on soit sûr et certain qu'ils ont stationné sur place. À défaut de découvrir des objets archéologiques, utiliserait-on des mots vikings sans le savoir ? La question, effectivement, a été traitée notamment par Elisabeth Riddell, qui est une linguiste spécialisée sur ce vocabulaire d'origine norroise en France, qui a identifié une centaine, 100, 120 noms communs d'origine véritablement norroise identifiée, parce qu'il a fallu distinguer tout ce qui pouvait venir de l'ancien flamand, du saxon, enfin de toutes les langues germaniques qui ont laissé une trace, et elles sont très nombreuses dans notre pays. Pour ce qui concerne les Scandinaves, donc une centaine, un peu plus d'une centaine de noms qui sont pour beaucoup liés au domaine maritime, au monde de la pêche, de la construction navale et qu'on utilise aujourd'hui parce qu'ils sont passés dans le français désignant des choses qui n'étaient manifestement pas présentes ou en tout cas pas considérées, envisagées de la même manière avant l'implantation scandinave. Il y a bien sûr le vrai et puis il y a le faux, les annales et chroniques médiévales rédigées par les moines. Première victime des Vikings, aurait-il écrit n'importe quoi ? Alors pour ce qui concerne le genre des annales, qui est un genre assez annales historiques, un genre assez laconique. Heureusement qu'on les a. Voilà, je voudrais pas non plus donner l'impression de condamner systématiquement les sources écrites. Ce serait vraiment vraiment stérile. Il n'existe pas de querelle en fait épistémologique sur. Voilà, c'est juste une question, un problème de surinterprétation dans l'historiographie sur lequel il faut revenir. Donc les annales nous donnent beaucoup d'informations très précieuses sur le cheminement, sur l'histoire des expéditions. Ce qui pose problème, ce sont toutes les descriptions qui vont avec. Ce sont quand même des clercs qui maîtrisent la littérature latine et donc tout le substrat antique qui vont héroïser ou diaboliser avant tout, mais héroïser finalement aussi ces personnages absolument terrifiants pour eux que sont les Vikings et qui vont, du point de vue anthropologique, ethnologique, toutes ces dimensions de définition d'un peuple, raconter n'importe quoi à leur sujet. Alors il existe aussi des sources qui nous ont été laissées par les voyageurs arabes sur la route des Suédois, donc vers la Russie, le Moyen-Orient, qui sont beaucoup plus fiables, mais on ne peut pas les nécessairement les extrapoler à leur cousin norvégien ou danois. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Vincent Carpentier, pourquoi les raids vikings s'arrêtent-ils ? Tout simplement parce que les guerriers sont devenus chrétiens ? Alors, ça compte, bien sûr, cet aspect de la christianisation, sans oublier que la formation des royaumes scandinaves eux-mêmes étant achevée au XIe siècle, les souverains se convertissent aussi. C'est un acte politique, c'est un acte d'unification et également un acte de ralliement intellectuel à toute là, on a parlé de la jeunesse de l'Europe, bon, à tout l'Occident, ce qui fait l'Occident du Moyen-Âge central. Mais il y a aussi d'autres facteurs. On retrouve nos facteurs économiques, c'est-à-dire que les stocks d'argent ont été largement épuisés par les pillages, par les Danegeld. Les mines d'argent orientales sont quasi épuisées, donc l'argent ne circule plus. Les Vikings sont pris à leur propre jeu. Se christianisant, ils ne peuvent plus pratiquer à la même échelle, tout du moins, le commerce d'esclaves. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne devient plus rentable. D'ailleurs, l'exemple du Vinland au Labrador est très éloquent. Les Vikings installés sur place sont les descendants d'Éric le Rouge et ses compagnons ont des problèmes avec les Amérindiens. Plusieurs d'entre eux meurent sous leurs flèches. Ça n'est plus rentable, le commerce du bois, etc. Ça n'est plus rentable, donc ils partent. Et c'est seulement Christophe Colomb qui retrouvera, malgré lui, cette route.